Soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. Quelle est l'identité de genre d'une personne? Exactement. Comment se siente? Et que, pour qui sentis attraction sexuelle affective? Ou pour autres mujeres? Ella deja de ser mujer, por eso? Es imposible dissociar nuestra identidad y nuestro cuerpo. El cuerpo para nosotras es una herramienta de lucha. Dans un corps sain. Au bord des corps. Suite du podcast Écoféminisme d'Amérique du Sud avec Elina Fronti, partie 2. Conciencia cósmica de herencia mágica, buscando en la sombra los rastros de mi alma, aprendiendo a convertirme en animal como un nahual. Soy un cuerpo transitando el camino espiritual, no es lineal, mi lenguaje es ancestral. Viajo en una espiral entre mundos y fronteras, cuestionando lo real, el bien y el mal, lo desigual, lo heredado, lo adquirido y lo impuesto por igual. Soy criatura entre culturas, hurgando entre la basura las creencias que me anulan para darle sepultura. Madre natura, sutura con ternura la ruptura de mi cuerpo cuando solté mi dura armadura. Y es que no madura, una herida sin no cura, una mente sin locura, un corazón sin ataduras. Fluir es destruir y volver a construir una casa sin paredes y perder miedo a morir. Mestiza soy, contradicción a dos voy, con cuatro colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción a dos voy, con cuatro colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción a dos, cuatro colores del maíz en mi color. Mestiza soy, contradicción atroz, cuatro colores del maíz en mi color. Mestiza soy, cuatro colores. Mestiza soy, mestiza soy, cuatro colores. Buscar mi identidad en una sociedad racista, la mente colonialista instalada en mi pupila. El reflejo en el espejo me devuelve lo que creo. Si no moldeo mi alma, yo lo harán los modelos eurocéntricos, palocéntricos, que convierten mi experiencia en un objeto exótico, pintando las culturas como algo folclórico, restándole lo subjetivo a los modelos teóricos. Quisieron que callara la herencia de mi sangre, quisieron que olvidara la violencia a mi madre, pero no pudieron quitarnos el fuego interno, el eterno conocimiento, las señales en los sueños. Por eso defendemos nuestra tierra y sus secretos con los dos puños en alto y en el alma amuletos. Con la fuerza del volcán, el rugido del jaguar, la fuerza de guerrera y espíritu animal. Mestiza soy, contradicción a dos voy, con cuatro colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción a dos voy, con cuatro colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción a dos, cuatro colores del maíz en mi color. Mestiza soy, contradicción a dos, cuatro colores del maíz en mi color. Je propose de s'intéresser un peu plus à certains textes en particulier. Dans la partie 1, donc un féminisme des différences, donc qui justement ce féminisme des différences, tu l'as défini, s'oppose au féminisme universaliste blanc bourgeois occidental et apporte une perspective décoloniale qui repart de la spécificité et du fait de s'ouvrir aux voix et aux agentivités des personnes directement concernées, issues des différentes communautés. et enfin cette partie est ouverte par un texte de Mujeres Creando, et je me demandais quel rapport tu as entretenu avec les textes ou ce collectif qui ouvre ce recueil, si tu as pu rencontrer certaines féministes. Alors malheureusement, une grande partie de ce travail de recherche et de création du recueil s'est passé durant le Covid, et du coup c'est vrai qu'il y a beaucoup du travail qui a été fait par communication à distance. Moi, j'ai été en contact avec toutes les femmes qui sont citées dans le recueil, puisque j'ai dû leur demander leur droit de... Enfin, j'ai dû leur parler du projet, leur demander s'il résonnait pour elles. J'ai eu que des réponses très positives et très m'invitant à le faire et me disant que ça leur paraissait nécessaire de faire ce pont-là. D'ailleurs, j'en profite pour dire aussi que je m'attendais pas à ça, mais j'ai aussi beaucoup de réflexions de ces femmes-là qui me disaient « Mais publie-le aussi en espagnol, en fait, parce que ce tissage-là entre nos différentes luttes, même sur le continent, il n'est pas forcément fait. Il existe, hein, des recueils, mais justement fait par ces femmes-là et qui sont dans ce travail-là de pouvoir ben voilà, faire du lien à partir de la différence entre les féminismes. Les textes qui viennent de collectifs, Las Tesis, Ni Una Menos, etc., j'ai pas eu de discussion directe puisque c'est des collectifs, hein, qui impliquent beaucoup de personnes. Mais voilà, toutes les autrices, je continue d'être en lien avec elles. Certains des textes, c'est, certaines des autrices qui me les ont suggérés, en me disant, bah voilà, tu pourrais compléter sur tel sujet, il faut absolument que tu cites telle personne, je te mets en contact avec elle, ou voilà. Donc, il y a eu un travail en commun aussi, par rapport à ça. Moi, j'ai vécu au Mexique, donc j'ai aussi eu, beaucoup des liens peut-être un peu plus forts avec, les personnes qui sont inscrites, enfin, ouais, qui travaillent avec les communautés zapatistes. J'ai été plusieurs fois au Chiapas, mais j'ai pas vécu ou passé du temps directement dans cet objectif-là, dans des communautés zapatistes. Voilà, donc le lien que j'ai avec elles, c'est un lien de communication qui pour le moment est à distance. Et pour d'autres, en voyageant, bien évidemment, j'ai rencontré des personnes et discuté avec elles. Mais voilà, pour le recueil, j'ai rencontré Ana Marcela Montanaro, la costaricaine, qui a écrit un texte pour le recueil, qui l'a écrit explicitement pour ça, en parlant de son rapport corps-territoire en tant que migrante, puisqu'elle est costaricaine et qu'elle vit actuellement et qu'elle milite à partir de Madrid. En Espagne, j'ai rencontré Raisa Inocencio, qui est brésilienne et qui parle de ses performances qu'elle produit majoritairement en France actuellement. J'ai été en contact direct aussi avec Lina, qui a écrit Lina Alvarez, qui a écrit le postface du livre, Rocío Martínez. Enfin voilà, il y a beaucoup de dialogues et de liens avec ces femmes, et je serai amenée, je l'aurais déjà fait, je pense, au moment où tu sortiras ce podcast, mais à être directement à une table ensemble avec Rocío Martínez pour un festival Climax par rapport au climat. Voilà, le lien qui est le week-end du 15 au 17 septembre de cette année. Climax, donc, qui est un festival à Bordeaux qui rassemble plein de militants, artistes, auteurs, autrices, plein de personnes en lien pour proposer des réflexions, des actions, etc. par rapport au climat et à la crise écologique actuelle. Comme tu l'as évoqué, est-ce que tu peux présenter un peu les luttes des femmes zapatistes, ce que tu en as retiré, ce que tu en as compris, à quel point tu as été en contact avec elles, aller un peu plus en profondeur sur ce sujet peut-être? Alors, le zapatisme, je m'y étais intéressée un peu auparavant, parce que déjà en vivant au Mexique, en ayant, même avant d'aller au Mexique, au cours de mes études à Sciences Po à Toulouse, j'avais eu un cours lié à l'Amérique latine, qui dans lequel on parlait beaucoup déjà de certaines actions politiques au sein de certaines communautés, et donc j'avais entendu parler des zapatistes. Et donc, quand je m'étais rendue au Mexique, je m'étais grave intéressée et j'avais commencé à traîner un peu sur le site de le EZLN, donc le Enlace Zapatista, leur site où il y a toutes leurs actions et leurs revendications. J'avais entendu parler aussi cette année de leur venue en territoire européen. Ils sont rendus à la ZAD, entre autres, à Notre-Dame-des-Landes et dans pas mal d'espaces. Et donc, quand j'ai été au Mexique, j'étais plusieurs fois au Chiapas. En fait, quand tu voyages au Chiapas, t'es amené à passer par un certain nombre de communautés des caracoles, donc les communautés zapatistes. Donc tu entres dans des communautés où t'as un grand panneau écrit à la main avec les règles locales. Et moi, ça m'arrivait de me retrouver dans un petit village où t'entends... au micro, un appel autour d'un arbre pour discuter des politiques du moment, etc. Donc voilà, j'avais déjà une idée de ce qui se passait en territoire zapatiste, mais j'avais jamais pris conscience du prisme vraiment féministe. Et puis j'avais entendu parler, parce que j'ai des copines qui se sont rendues il y a quelques années, de la première réunion internationale des femmes en terre zapatiste. Et donc ça m'a paru essentiel d'intégrer ce texte-là au recueil, parce que pour moi ça vient montrer un des aspects essentiels de ce qu'apportent les femmes zapatistes aux questions féministes à l'échelle internationale, c'est ce besoin de faire du lien à partir de la différence. Mais peut-être que tu pourras lire un passage du discours, je l'ai lu dans beaucoup de mes présentations dans les librairies en France, qui est leur discours d'introduction, leur parole d'introduction au sein de cette première réunion internationale en non-mixité, et qui vient poser le pourquoi de se réunir en tant que femme, qui vient exprimer aussi le pourquoi... Pourquoi on se reconnaît en tant que femme comme un même tout alors qu'on est quand même toutes très différentes et que en fait ce qu'elle pose dans ce discours-là, c'est que ce qui nous réunit en tant que femmes, c'est cette violence machiste qui vient de ce capitalisme patriarcal et qui nous violente, qui nous tue, qui nous rend toutes. Elles font une métaphore avec la forêt où t'as plein d'arbres qui sont complètement différents, mais où on l'appelle forêt malgré la différence de tout l'écosystème qui est à l'intérieur, parce qu'on vit une même exploitation qui s'exprime certes différemment, mais voilà, il y a cette même dévalorisation, cette même exploitation à l'échelle globale de toutes les femmes et les corps dissidents. J'aimerais rajouter là. Page 81. Extrait de Parole au nom des femmes zapatistes lors de l'inauguration de la première rencontre internationale, politique, artistique, sportive et culturelle des femmes qui luttent. Caracol 4 de la zone Sos-Chod. Sœurs et camarades, notre parole est collective. C'est pour cela que mes camarades sont ici avec moi. C'est à moi qu'il revient de la partager, mais nous nous sommes mises d'accord sur ces mots de manière collective avec toutes les camarades qui sont organisatrices et coordinatrices de cette rencontre. Pour nous, en tant que femmes zapatistes, c'est un immense honneur d'être ici avec vous et nous vous remercions car vous nous avez offert un espace pour partager avec vous nos paroles de lutte en tant que femmes zapatistes. Dans la mesure où je parle au nom de mes camarades, cette parole ressemblera à une mosaïque de paroles car nous sommes toutes de différents âges et de différentes langues et nous avons toutes des histoires différentes. Ainsi, moi, j'ai travaillé comme domestique en ville avant le soulèvement. Mais j'ai aussi grandi dans la résistance et la rébellion zapatiste de nos grands-mères, mères et sœurs plus âgées. J'ai aussi vu la situation de nos villages avant que commence la lutte. C'était une situation très compliquée à expliquer par des mots, mais encore plus difficile à vivre. J'ai vu comment mouraient les enfants, les jeunes, les adultes et les personnes âgées de maladies curables, et tout ça par manque de soins médicaux, d'une bonne alimentation, d'éducation. Mais on mourait aussi pour le simple fait d'être femme. Et on mourait encore davantage pour cette raison. Il n'y avait pas de clinique, et là où il y en avait, c'était loin. Les médecins du mauvais gouvernement ne nous recevaient pas, et ils ne nous reçoivent toujours pas, car nous ne savons pas parler espagnol, et parce que nous n'avons pas d'argent. Dans la maison où j'ai travaillé, comme servante, je n'avais pas de salaire, je ne connaissais pas la langue, et je ne pouvais pas étudier, j'ai juste réussi à parler un peu mieux. Quand j'ai appris qu'il y avait une organisation qui luttait, j'ai commencé à y participer en tant que base d'appui. Je sortais la nuit pour me former à l'organisation, et je revenais au petit matin, car à cette époque, personne ne savait rien de la lutte que nous faisions, car tout était clandestin. À cette époque, je participais aux travaux collectifs avec d'autres femmes zapatistes. Nous faisions de l'artisanat, nous récoltions des haricots, nous travaillions dans les champs de maïs et avec les animaux. Nous faisions tout de manière clandestine. Et voilà, donc les femmes zapatistes, il y a toute une organisation qui est faite, il y a une réflexion très forte qui est soulevée sur ce féminisme à partir de la différence et sur le besoin de s'organiser à partir de cette différence pour proposer des schémas de lutte, sur ce besoin de s'écouter et de se reconnaître à partir de cette différence. Dans le zapatisme, il y a quelque chose que je trouve très intéressant, c'est il n'y a pas de volonté d'affirmer un nouveau mode de pensée ou de lutter qui serait un mode à adopter universellement, qui serait la nouvelle vérité de la révolution, mais plutôt l'affirmation de savoir et d'expérience de vie située et de formes d'organisation situées et de l'importance à partir de l'échelle locale, à partir de la reconnaissance des réalités locales, reconnaître, organiser ce qu'on a à faire. Elle pose aussi très clairement le fait que elle parle à partir de voix qui se reconnaissent pas forcément comme féministes, qui parlent pas forcément espagnol, qui parlent d'autres langues et qui ont envie de se faire entendre et qui ont envie de communiquer à partir de cette diversité de langues, de représentations, de réalités. Elle parle beaucoup aussi du fait que qu'il existe un machisme, y compris au sein de, enfin, qui précède la colonisation, et que il y a besoin de parler, de faire du lien entre toutes les réalités vécues pour pouvoir aller à l'encontre de ce patriarcat qui et de cette violence qui s'affirme de plein de façons et à plein d'échelles. Et c'est aussi au sein de ce discours zapatiste, il y a vraiment la volonté d'être main dans la main avec les hommes, et c'est pas un féminisme, parce que on entend beaucoup ce discours dans la critique féministe, dans la critique du féminisme tel que certaines personnes le perçoivent, qui est le fait de remettre en cause complètement tout ce qui serait rattaché au masculin culturellement et socialement, etc. C'est pas du tout le cas. C'est une idée du besoin de tisser, de faire du lien, encore une fois, sans exclure ce qui est lié au féminin historiquement et socialement. Donc sans exclure le rapport aux soins, le rapport à la sphère domestique, le rapport à l'alimentation, au fait d'élever les enfants, etc. À partir de ce vécu dans ces communautés. Dans la première partie, il y a également un extrait de Ni Una Menos, et je me demandais justement, ça a résonné de plein de façons moi, parce que c'est quand même l'un des féminismes de ce continent qui est le plus médiatisé ici en Europe, et qui utilise beaucoup l'outil de la grève, qui a du mal à prendre en Europe, en tout cas en France, de la grève féministe. Je me demandais si t'avais toi, une interprétation de ça et de cet outil de la grève, et aussi quelle lecture écoféministe tu faisais de ce mouvement en particulier, qui dénonce avant tout les féminicides notamment. Alors, je lui ai posé une lecture très personnelle de comment, de mon vécu aussi, je perçois la façon dont dans les luttes politiques, mais aussi je pourrais parler, je crois, dans l'art, j'ai pu percevoir aussi beaucoup de différences dans les façons d'affirmer des choses entre je veux dire l'Amérique latine, parce que j'ai pu l'observer dans plusieurs pays, et ce que moi je vois en France. Je crois que du fait de la façon dont les institutions politiques ont été construites et dont elles sont vécues, moi j'ai l'impression que en France, que ce soit dans le monde artistique ou dans le monde politique, on a vraiment une revendication où on parle aux institutions, non ? On a ce truc très révolutionnaire d'être dans la rue, etc. Mais on s'adresse aux institutions, on attend de l'État qu'il fasse des choses, on lui demande, on conçoit que ça passe par lui, en fait, qu'il est là et qu'il nous doit des choses, et que quand il foire, on vient lui demander de changer, et on vient s'exprimer par rapport à ça. Là où il me semble, de mon analyse personnelle, que dans beaucoup de pays du continent sud-américain, il y a une reconnaissance de fait de la défaillance des institutions, de la défaillance gouvernementale et de son non-action. Et donc, il y a un rapport beaucoup plus direct à la prise d'action à partir de la société civile, à partir des communautés, à partir de l'organisation sociale, et qui vient pas forcément s'adresser aux institutions en attendant qu'elles agissent, mais qui vient agir, en fait. Je faisais le lien avec le monde de l'art parce que je trouve qu'en plus en France on peut faire un parallèle encore plus fort, parce que nous on a le statut d'intermittence qui implique que si tu veux vivre en tant qu'artiste, c'est un droit incroyable, il me semble, c'est une idée incroyable, l'intermittence et tout ce que ça implique pour créer. Mais tu l'intégreras ou pas, parce que je ne sais pas si ça a beaucoup de lien, mais il me semble que oui, parce que l'art, c'est aussi une forme politique très intéressante de lutter, l'artivisme. Et il me semble que du coup, on a d'un côté un droit incroyable à recevoir de l'argent pour pouvoir continuer à vivre, à avoir des périodes de création sans le souci de l'argent, a priori. Mais ça vient avec évidemment plein de codes et de normes institutionnelles et beaucoup d'administratifs, etc. Et moi, quand j'observais la façon dont l'art s'exprimait dans tous les espaces, dans tous les lieux et à tous les moments, et j'ai presque envie de dire, et chez tous les individus dans mon expérience au quotidien, au Mexique par exemple, et c'était pareil en Argentine, et c'était pareil en Colombie, au Brésil, où je voyais présent dans tous les espaces, parce qu'en fait, l'art, tu le saisis et c'est ton moyen d'expression, et il y a si peu d'aide, il y a si peu de subventions, il y a si peu de soutien formalisé, en tout cas de la part du gouvernement, qu'en fait, ben les personnes elles se saisissent de tout ce qu'elles peuvent. Et par exemple moi quand j'étais au Mexique, j'ai fait un stage dans un théâtre à Mexico avec des metteurs en scène bien connus localement. Et c'était fascinant parce qu'au quotidien les metteurs en scène qui sont des personnes très reconnues là-bas dans le monde du théâtre, ils plantaient les clous pour faire le décor de leur mise en scène, ils aidaient à faire le site internet, ils étaient à la rue pour aller discuter avec les personnes qui vivaient dans la rue devant le théâtre et voir ce qu'on pouvait faire comme atelier avec les enfants. Enfin, en fait, tu es multifonction parce que c'est comme ça que ça se passe en fait. Et du coup, bah voilà, tu peins les trucs, tu crées les costumes, et donc ça amène aussi à une créativité fascinante et une diversité et aussi par rapport à ça. Et je pense que ça a complètement un lien avec la façon dont sont faites les luttes politiques. Peut-être on peut parler en Argentine puisque tu m'évoquais Niuna Menos. La situation économique et il y a un côté tellement instable. Tu peux avoir des diplômes, etc. Ta monnaie change du jour au lendemain. Les banques, elles sont vides. Enfin, il y a une telle instabilité que chez les Argentins, moi, j'ai observé vraiment aussi une palette d'actions où les personnes, et puis une grosse part de l'économie aussi sur le continent latino-américain, il y a une énorme part de l'économie qui est informelle. Donc tu te dis pas, j'ai fait telles études, j'ai tel diplôme, et puis à terme, je vais faire tel travail, et puis je vais essayer de postuler avec mon CV par rapport à ce schéma d'études que j'ai fait. Non, il y a qu'est-ce que je sais faire de mes mains, qu'est-ce que je sais faire de ma tête, Et du coup, tu parles à des gens et ils sont maçons, boulangers, peintres, musiciens, activistes dans 14 espaces. Voilà, il y a vraiment un truc hyper inspirant dans cette pluri-activité qui, je pense, est complètement liée aux structures sociétales aussi. Et voilà, et je pense que c'est dans les revendications du Niuna Menos, et être à la rue, et être en grève, et être... être en grève, il y a aussi un truc de ton corps en action en grève. Je pense que ça vient aussi complètement apporter une ouverture de la définition du corps territoire au-delà d'un rapport peut-être de cette définition qui est faite par les communautés de femmes qu'on a citées. Mais voilà, c'est ton corps qui est en grève, c'est ton corps en action. Et je pense que c'est très présent dans les luttes des femmes en Amérique latine, puisqu'aussi du fait de l'histoire coloniale du pays, les corps ont toujours été directement impliqués et directement violentés par toutes les formes de politique sur le continent. Donc ça, et je crois aussi que pour moi c'est important de citer Niuna Menos parce que comme tu le dis, c'est aussi Niuna Menos la C6 avec leur performance de un violador en tu camino, non, un violeur sur ton chemin. C'est peut-être les plus médiatisés et je pense que ça vient aussi montrer aussi cette volonté de lien à l'échelle internationale et le fait que les médias ont aussi permis de faire beaucoup de liens et de montrer aussi ce qui s'y passe montrer que d'un côté c'est essentiel de montrer, de faire entendre les voix de ces femmes dans les communautés rurales, de ces femmes autochtones qui sont pas du tout mises en lumière et qui sont pas du tout écoutées et reconnues, y compris au sein des États-nations en Amérique latine et donc encore moins à l'échelle globale quand on est au niveau institutionnel. Mais il y a quand même du lien entre ces communautés à l'échelle globale, non, ce qu'on appelle les féminismes du Sud, les féminismes du Sud ancrés. Donc il y a ce lien là, donc c'était hyper important pour moi de les mettre dans ce recueil et de leur donner l'espace qu'elles méritent, mais aussi montrer que le féminisme latino-américain, sud-américain, ce n'est pas entre guillemets que ce féminisme là, mais qu'il y a aussi complètement des féminismes institutionnels, des féminismes urbains, des féminismes qui sont beaucoup plus liés à ces problématiques liées au monde urbain, liées à tout ce qui se passe dans ces milieux là, enfin voilà, pouvoir montrer cette diversité, cette pluralité, le fait qu'en fait, parfois, il y a peut-être des parallèles plus forts entre certains féminismes urbains sud-américains et des féminismes institutionnels auxquels on se rattache, nous, et certains féminismes, ou certains, pour ne pas poser le terme féminisme s'il n'est pas revendiqué, certaines luttes de femmes dans des communautés sur le continent sud-américain et certaines luttes qu'on a ici dans des communautés beaucoup, et qui sont des luttes dites beaucoup plus alternatives en Europe, en France. Voilà, qu'il y a des parallèles à faire. Et aussi le fait de directement dénoncer les féminicides, c'est aussi une façon de reconnecter avec le corps territoire aussi et avec l'analyse que faisait Rita Segato de cette destruction des corps des femmes comme outil de prolongation en fait de la colonialité. Et je pense qu'on peut faire un lien aussi là-dessus. Juste par rapport à Niuna Menos, c'était quoi la généalogie du chaudron, comme ce que t'en as compris, toi, qui était le sous-titre de l'un des textes? Dans ce texte-là, elles font beaucoup de références, il me semble, à toute l'analyse de Silvia Federici dans Caliban et la sorcière, et à cette analyse aussi à l'échelle globale de la façon dont l'avènement du capitalisme et du catholicisme aussi, dans le cas de Niuna Menos et de leur texte, elle parle sur le continent latino-américain et dans ce cas-là en particulier en Argentine, est venu complètement éradiquer tout un tas de savoirs, est venu se saisir du corps des femmes pour le maîtriser et donc est venu annuler toute leur connaissance ancestrale, leur rapport aux plantes, leur rapport à leur corps, leur rapport à leur contraception, à la gynécologie naturelle, leur rapport à leur droit d'enfanter ou non, etc. Tout ce qui a été en fait saisi par un système qui avait besoin de pouvoir gérer la reproduction, de gérer la main d'œuvre. À terme, c'est le but, pouvoir avoir une main d'œuvre efficace et donc se saisir et au final utiliser les femmes et la nature comme outil de l'expansion capitaliste, en fait, et comme ressource et outil de reproduction des ressources. Et je pense que généalogie du chaudron, parce qu'elle commence en disant on est les filles de toutes les sorcières que vous pourrez jamais brûler. Et donc voilà, elles viennent revendiquer ces savoirs-là qui ont voulu être effacés et dire non, nous on est encore présentes, notre voix elle est encore là et on a encore on va continuer à affirmer nos savoirs et nos droits. Du coup, là, je suis passée directement à la partie sur le corps-territoire. Et dedans, il y a un texte sur la Berta Cita, donc la ferme agroécologique. Et je me demandais si tu avais connaissance en France de modèles d'autonomie alimentaire qui étaient sur d'autres types de modèles alternatifs ou de le même type de modèle. Voilà. Alors, il y en a plein en France des modèles comme ça. Je sais qu'il y en a aussi. Alors, j'ai pas de nom de lieu à citer comme ça, mais je sais qu'il y a des communautés de femmes. Il me semble que c'est dans un podcast à soi, un moment où elle a fait une série Charlotte Bien-Aimée sur les écoféminismes, où elle cite des femmes qui vivent en non-mixité, il me semble dans les Pyrénées ou je sais plus où, bref, et qui ont tout un modèle agroalimentaire, etc. Nous faisons référence ici à l'épisode numéro 22, Écoféminisme, deuxième volet, Retrouver la Terre, de Un podcast à soi. Dans celui-ci, Charlotte Bien-Aimée interview des femmes de la communauté Terre de Femmes. La localisation géographique n'est pas donnée, sûrement par confidentialité. J'ai aussi deux copains, Christo et Roman. Pareil, je vais essayer de retrouver le nom de leur livre, qui ont fait pendant un an et demi le tour de tous les... et qui vient recenser toutes ces alternatives de formes de micro-sociétés qui tendent vers une autosuffisance. Et donc voilà, et je sais qu'il en existe... en non-mixité également, donc avec cette perspective aussi, en France. Et pour la Verdecita, je les ai cités là parce que c'est aussi un point essentiel avec ce rapport de lutte autosuffisance alimentaire. C'est aussi une façon directe d'affirmer ton rapport corps-territoire dans ta lutte aussi et cette liberté-là. Merci beaucoup. J'avais des questions sur l'art oral et la performance, mais tu en as déjà pas mal parlé tout à l'heure, donc je vais passer là-dessus. Il y avait aussi quelque chose que je voulais te demander un peu par curiosité dans le texte d'Anna Marcela Montanaro, donc que tu as rencontré apparemment, qui parle au début de son texte du Costa Rica comme vendu comme paradis vert par les pays occidentaux. Et effectivement, il y a beaucoup de projets d'écotourisme aussi dans ce pays. Et moi, j'en ai constaté beaucoup aussi en Équateur et qui en fait sont des véritables... Bon, je développerai un peu plus, mais destruction, catastrophe sociale et environnementale. Est-ce que toi aussi au Mexique, c'est quelque chose que tu as rencontré? Est-ce que tu peux en dire un mot de ce que ça vend et de la vitrine que c'est pour ce que c'est en réalité? Complètement. Au Mexique, en plus, en particulier depuis le Covid, où ça a été le seul pays mondial à un certain moment à garder ses frontières complètement ouvertes et donc à attirer toutes les personnes qui fuyaient tous les confinements possibles et imaginables. Qui est un pays aussi qui invite à un certain exotisme du tourisme et qui, voilà, il y a des, Il y a des paysages paradisiaques, il y a toute cette dimension culturelle, etc. Et oui, le Mexique est, enfin, moi, je l'ai vu, ne serait-ce que dans le village dans lequel je vivais, un tout petit village avec une communauté sublime, avec énormément de mouvements artistiques, écologiques. Enfin, c'est un paradis, cet endroit que je ne citerai pas pour que plus personne ne continue à le détruire. Mais en l'espace de quelques années, les hôtels poussent comme des champignons. Il y a une gentrification monstrueuse. Les prix ont complètement, enfin, sont. Je connais plus personne de tous mes amis locaux mexicains qui vivaient, qui vivaient à l'intérieur du village. Tout le monde est parti s'installer un peu plus loin dans la jungle, etc. Parce que Airbnb et des gens qui viennent avec des euros et des dollars et qui peuvent vraiment payer puisqu'ils viennent que pour une semaine, 150 euros leur nuit, etc. Bref, je passe sur ça, mais toute cette notion d'écotourisme et tourisme vert, c'est ce que j'évoquais au début quand on parle de colonialisme vert aussi, c'est que évidemment il y a une belle volonté derrière, très certainement, de continuer à faire quelque chose. Enfin, je vais pas cracher sur le tourisme, j'en ai fait aussi. Enfin, je suis arrivée au Mexique aussi avec en étant une touriste. Enfin, mais moi j'y crois aussi que très vite à l'échelle de mes propres voyages, j'ai pu me rendre compte à quel point je voulais plus voyager dans les lieux en les consommant comme on a l'habitude de le faire dans un tourisme assez classique, voilà, venir consommer, louer un endroit pour vivre sans trop te questionner sur les prix, voilà, manger, dormir, regarder, voilà, te jouir de ce qu'il y a à vivre et puis repartir. Et très vite je me suis dit, mais attends, moi j'ai envie de participer à la vie locale et pas en prétendant apporter quelque chose et savoir ce que je dois apporter à ce lieu, mais en au moins arriver à un stade où tu comprends les dynamiques du lieu et tu comprends la façon dont tu interagis avec ces lieux-là. Une grosse réflexion qui m'a fait complètement changer mon rapport au voyage aussi, c'est le fait que, je sais plus qui c'est qui dit ça, je l'ai lu quelque part, mais qu'on est dans un monde où, oui certes, on parle de la globalisation, mais c'est un monde où il y a les globaux et les locaux, on va dire. Et je me suis dit, je fais partie des globaux, c'est-à-dire qui passent d'un lieu à un autre, qui se saisissent de ce qu'elles ont à y prendre et à y voir, et qui voient des gens qui, où leur monde, c'est ce localisme que toi tu expérimentes pendant un temps et puis tu en repars et puis tu prends ailleurs ce que tu as à apprendre, mais que là-bas c'est tout un monde et que ta venue elle participe aussi de la modification des structures de ce monde et qu'elle vient aussi faire invasion dans ce monde, pas forcément que de façon négative. Il y a un truc très beau aussi dans l'apport du mix des cultures, mais voilà, et en avoir conscience. Et au Mexique, je peux citer les endroits les plus connus, Cancún, Tulum, toute cette côte, Quintana Roo, le Yucatan, etc., qui sont le premier espace, il me semble, de tourisme, de personnes qui viennent voir les pyramides mayas, les cénotes, les plages turquoises, etc. Aujourd'hui, tu y vas, ça fait triste, les gros hôtels qui poussent sur la côte sans aucune loi, qui déversent tous leurs déchets dans les cénotes. Donc, a priori, on vient pour voir la beauté des cénotes qui sont complètement polluées. Moi, j'ai passé un temps dans un village dans la jungle avec une communauté maya qui me disait, mais nous on n'a même plus accès à la côte, on peut plus, on n'a plus le droit d'y aller, il faut payer, les plages elles sont privatisées par les hôtels, on peut plus y aller, les cénotes il faut payer pour y rentrer, voilà, toute la jungle, il y a des routes là, et maintenant il y a le projet du train maya qui vient tout détruire, voilà, il y a beaucoup de problématiques liées à ça. Et en fait, en tant que touriste, quand tu viens payer dans un hôtel pour t'installer là-bas, tu participes à tout ça d'une certaine façon. Les plages, elles sont remplies de sargasso, ces énormes algues. Enfin, voilà. Ça vient détruire, c'est sûr. Oui, et effectivement, ça modifie les lieux et ça essentialise aussi beaucoup parce qu'il y a aussi le tourisme communautaire qui vient visiter les pratiques communautaires et qui, du coup, fige aussi dans des rôles et dans des pratiques historiques certaines communautés qui ne vivent après plus que des revenus touristiques et plus de leur propre développement économique à elles-mêmes, pas développement au sens néolibéral. Niña Salvaje, chantée par Emeline Dodé du duo féminin Luceras. Viajo a bordo de mi espíritu y camino a la eternidad. tierra me da fuerza, el fuego me enriquece, el aire es libertad. Pachamama, llévame, contigo siempre estaré. Madre tierra, llévame hasta el mar. Pachamama, llévame, contigo siempre estaré. Madre tierra, llévame hasta el mar, hasta el mar, hasta el mar. Je voudrais donc terminer, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, sur la spiritualité. Donc il y a la dernière partie de ton livre, et je sais que c'est c'est une thématique qui tient aussi à cœur. Et j'ai préparé quelques questions. Ça me questionnait le rapport à la danse comme sanation, le lien aussi entre la spiritualité, la transmission de mémoire, et le rapport à la symbolique des bains aussi. Mais voilà, c'est un peu... Je te jette un peu des pistes comme ça, mais je te laisse un peu parler de ce dont toi t'as envie. Qu'est-ce que tu as rencontré en fait sur place là-bas, et comment tu définirais cette spiritualité qui est beaucoup critiquée par les mouvements féministes aujourd'hui, notamment qui critiquent les écoféministes qui se disent spirituelles, en tout cas en Occident, comme étant très essentialistes. Et du coup, voilà, je te laisse un peu... D'abord, je crois que pour moi, le grand apport de ce rapport au sacré qu'apporte la dimension spirituelle de l'écoféminisme, c'est le fait de pouvoir repenser le spirituel au-delà du religieux. Il me semble que dans l'imaginaire collectif, en tout cas ici en France, depuis là où je peux parler, quand on parle de spiritualité, on pense très facilement à la notion de religion, non à des codes religieux. Et pour moi, le spirituel, ça va bien au-delà de ça. Pour moi, dans le terme de spirituel, j'entends le fait de revaloriser, remettre de la valeur, remettre du sacré dans le vivant. Et pour moi, c'est ça qu'apporte l'écoféminisme. Et en fait, je vais citer un petit truc que j'ai écrit tout à l'heure, mais là où il s'agit de lutter, et j'utiliserai plutôt le terme d'œuvrer, c'est pour la remise au centre et la resacralisation de la vie sous toutes ses formes et de son corollaire, le soin. Bouleversé par notre existence même, un système qui associe la sensibilité à une faiblesse, les émotions à une donnée manipulable, la lenteur à un défaut contre-productif, le sacré a de l'irrationnel, de l'insensé. Face à cela, notre force est ceci, notre adelphité, nos rires, nos chants, la réappropriation de nos savoirs et du sacré. Donc pour moi, il y a plein de prismes par rapport à ce spirituel et à ce sacré. D'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, dans cette nécessité de remettre un peu en cause le dualisme rationnel de la modernité capitaliste, il y a le fait qu'on associe rationnel, qu'on oppose rationnel avec cette logique scientifique, mathématique, etc., à tout ce qui viendrait de l'irrationnel et qui serait lié à l'émotionnel, au sensible, à notre perception, aux énergies, etc., aux énergies au sens de énergie vécue, sentie, alors que pour moi, c'est des données qui sont complètement complémentaires. On peut mettre en lien des données biophysiques, biologiques, notre rapport... aux écosystèmes, aux symbioses de la nature, etc., avec la façon dont on peut remettre du sacré dans la vie qu'on voit dans l'eau, dans le vivant, dans la terre. Et il me semble que dans notre certain scepticisme à la française, on voit toutes ces données-là comme du pachamamisme et on associe une certaine spiritualité New Age qui vient remettre du sacré dans le fait de pouvoir réutiliser certaines plantes, de pouvoir utiliser certains termes, certains rituels, etc., comme quelque chose un peu plus identitaire, plus dans un fait de s'identifier, un peu hippie alternatif, que dans un réel pouvoir d'action. Et tout à l'heure, je citais sans avoir prononcé son nom, mais c'était Tarot, en reprenant la définition de la magie comme un pouvoir d'agir et de sentir, et dans le rapport au quotidien. Et il me semble qu'en fait, à partir du moment où tu conçois... à partir d'une reconnaissance profonde et d'une valorisation et d'une sacralisation de l'eau, des plantes, des animaux, des esprits, des ancêtres, de la terre, de l'histoire, de la mémoire, des rituels du passé, à partir du moment où tu te réappropries le pouvoir de certaines plantes et leur pouvoir médicinal. Ben en fait, tu changes complètement ton rapport à la vie, tu changes tes pratiques quotidiennes. Et à partir de là, tu es déjà dans une pratique révolutionnaire. Et je pense que c'est ça aussi qui apporte beaucoup cette dimension spirituelle. C'est plutôt que de voir notre révolution comme une utopie lointaine, de pouvoir l'attribuer vraiment dans nos pratiques quotidiennes, dans le fait de te réapproprier ton corps et de pouvoir le resacraliser au travers de certaines pratiques où tu intègres des plantes, dans le fait de pouvoir voir toute la dimension énergétique qu'il y a dans le et politique dans le fait de construire un hôtel spirituel, dans le fait de poser il me semble que c'est dans un des textes aussi qui est dans le livre où il y a une femme qui est citée et qui dit mais nous en fait quand on amène y compris dans un lieu tel qu'un festival, un lieu de fête, a priori, quand on pose un hôtel sur lequel on pose une vulve en argile et on met des plantes avec et on fait tout un atelier sur la gynécologie naturelle ou sur la contraception naturelle, etc. C'est profondément politique. Et de là, préciser le fait que tout ce rapport à ces savoirs-là, il vient pas dire être une femme, être féministe, c'est... avoir un corps biologiquement femme et utiliser cette gynécologie, etc. Il vient juste reposer des savoirs qui ont été annulés et les revaloriser et leur redonner cette valeur-là. Donc, il y a cette dimension-là dans le spirituel. Il y a aussi toute cette dimension où j'oppose, mais je pense qu'ils sont complémentaires parce que je crois que c'est très important de lever le poing, de gueuler, de dire on n'est pas d'accord et d'être dans la lutte et d'être dans l'action et d'être dans la colère. C'est essentiel, il me semble. Mais je crois que si on est que dans la colère, parfois, c'est aussi, on peut perdre aussi beaucoup d'énergie dans nos luttes. Et il me semble qu'au travers du rituel, au travers du chant, au travers de la sacralisation, il y a quelque chose de très positif, il y a quelque chose de l'espoir, de la joie, qui est essentiel pour pouvoir avancer dans nos luttes et pour pouvoir dire, certes, vous voulez nous enlever énormément de nos droits, de nos libertés, de notre joie, de notre bonheur. On est écrasés, violentés, etc. On va continuer de se réunir, de rire, de faire des rituels, de célébrer la vie, de célébrer cette joie, de célébrer nos corps, de les resacraliser. Et je pense qu'en fait, c'est aussi une action profondément anticapitaliste, puisque le propre du capitalisme, c'est d'avoir désacralisé les corps, toutes les plantes, les animaux, la nature, pour pouvoir les rendre des données interchangeables et manipulables de consommation, d'utilisation, etc. Et qu'en fait, quand on remet du sacré dans chaque chose, on leur remet cette valeur qui fait qu'on peut plus les exploiter de la même façon. Donc voilà, je pense que c'est profondément politique. Puis pour moi, c'était hyper important d'intégrer cette dimension de sacré aussi parce qu'à partir de mon expérience personnelle, j'ai pu, en particulier au Mexique, du coup, assister à beaucoup de cérémonies, à beaucoup de cercles de femmes durant les pleines lunes, à beaucoup de temazcal, donc qui sont des huttes de sudation, qui sont des pratiques médicinales très fortes, et à plein de rituels, de chants qui m'ont fait tellement de bien et qui m'ont tellement reconnecté à quelque chose de très profond, qui m'ont reconnecté avec ce besoin de connecter avec mes ancêtres. J'avais pas juste l'impression de venir... je l'ai pas vécu en assistant à quelque chose d'exotique, culturel. Oh, j'assiste à une cérémonie. J'avais vraiment... ça m'a fait reconnecter avec des parts de moi que j'avais complètement délaissées. Ça m'a redonné envie de me réintéresser et de me réapproprier des choses qui sont liées à ma culture ancestrale. Et quand j'ai présenté mon livre à Toulouse, j'étais avec une femme qui nous aidait pour la présentation et qui est d'origine congolaise et qui elle mettait en perspective son vécu de par ses racines congolaises avec son vécu en France puisqu'elle vit à Toulouse. Et elle nous racontait qu'elle avait assisté à un bal de danse occitane et que elle avait été complètement choquée de voir toutes les personnes toute la façon dont ça avait été présenté, les personnes qui le vivaient en mode soirée folklorique occitane nanana. Et elle nous disait mais en fait je comprends pas pourquoi vous appelez ça du folklore alors que c'est votre tradition, c'est votre culture, c'est une force, ça fait partie de vous, c'est l'histoire de vos ancêtres, c'est votre histoire, du coup c'est votre mémoire. Et moi c'est des réflexions qui me ramènent beaucoup à ce qu'a pu m'apporter ces expériences en Amérique latine où il y a un grand mix dans le présent de beaucoup de pratiques ancestrale avec les pratiques quotidiennes du présent, en fait. Tu vas sur, même en, t'es pas obligé d'être en pleine nature, dans une cérémonie. Tu peux être en ville à Mexico, sur un marché, en plein cœur de la pollution de la ville. Et t'as, on te vend des plantes en te vendant leur, bah, leur propriété incroyable. Il y a des sorcières sur les marchés qui te soignent si t'as besoin. T'as, voilà, t'as cette espèce de, encore une fois, de tissage entre plein de formes et de sources de savoir qui me paraît essentielle et qui est aussi la magie de la vie. Et voilà. Bon, après, si tu peux me dire un mot sur le techno-chamanisme, qui, enfin, je suis preneuse et j'irai faire mes recherches. Et j'étais intéressée aussi par tout cet entretien sur les bains que tu as fait. Enfin, c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé aussi dans mes entretiens avec les femmes que j'ai rencontrées sur le terrain, sur l'importance de l'eau. Et après, j'ai pas moi pu prendre part à des rituels ou quoi que ce soit, mais du coup, ça m'intéressait beaucoup d'avoir ton expérience et à la fois de l'entretien et des bains. Ok. Donc Raisa Inocencio, qui est intégrée dans le recueil, c'est elle qui m'a introduite à cette notion de techno-chamanisme. Et après, j'ai eu plusieurs interactions avec d'autres copines, personnes que j'ai rencontrées qui sont complètement dans ces mouvements-là. Et du coup, dans le recueil, à un moment, je lui ai demandé de définir un peu ce terme. Elle m'a répondu en me disant « Si je devais résumer le techno-chamanisme, je dirais que c'est le fait de rassembler des mondes antagonistes pour créer des territoires intellectuels et pratiques. Le techno-chamanisme est un territoire de pratique et de pensée qui rassemble la magie, donc telle que nous l'avons définie précédemment, et la pratique, la technique. » Et elle donne comme exemple, par exemple, la musique expérimentale noise. Donc, par exemple, si on prend la psytrance ou la techno, comme une façon d'accéder à une certaine catharsis, à une transe. La pensée amérindienne voit la magie comme la capacité de penser la réalité que l'on a envie de créer. L'idée, c'est que la magie est une disposition à réaliser les choses que l'on désire. Il y a là une rupture avec la pensée occidentale qui divise le sensible et l'intelligible. L'homme occidental a fait une mise à distance entre le moi rationnel et l'objet étudié. Or, lorsque l'on parle de magie, il n'y a pas cette mise à distance. Et en fait, elle dit, quand je fais des bains avec du gros sel et des herbes, il n'y a pas de mise à distance entre mon corps et ses objets. Nous sommes en totale parité, nous formons une symbiose. La magie est donc un moyen de se connecter sans mettre à distance le sujet et l'objet. Il n'y a pas de mystère. L'écoféminisme tend à reconnecter le féminin et la nature. Et ce n'est pas une capacité donnée à tout le monde dans le monde d'aujourd'hui. Et là, je cite encore Raïssa, « Pour moi, le techno-chamanisme a été le premier mouvement qui m'a permis cette ouverture de référence en mêlant l'écoféminisme et la décolonisation de la pensée. » Donc en fait, moi je la cite dans le recueil au sujet de sa performance de bain. Donc en fait, elle fait toute une performance pour... dans l'idée de décoloniser Vénus et de questionner le mythe de la naissance de l'Aphrodite, sa réception à la Renaissance et la manière dont cette figure a imprégné les imaginaires coloniaux. Et donc, elle fait une performance dans laquelle elle se présente dans un rituel de bain, qui est un rituel à cheval entre l'intime, le spirituel et le politique, et qui vient exprimer le pouvoir féminin. Et en fait, c'est un rituel qui vient d'une communauté brésilienne qu'elle cite. Je te laisserai lire des passages de son texte parce qu'elle explique vraiment exactement. C'est un rituel qui vient des rezadeiras, donc qui est fait avec des prières quand une personne est malade pour l'aider à la soigner, etc. Et en fait, elle explique qu'au travers de ce rituel, elle vient en pratique décoloniser son corps, réaffirmer cette mémoire brésilienne, ces prières-là, et le fait que au travers de l'action, tu puisses transformer les choses. Et donc voilà, elle est nue dans ce rituel-là, donc elle se met à nu aussi. C'est assez intéressant comme dans cette pratique-là. Et donc elle monte son corps en action. Elle prie pour une déconstruction politique du corps féminin. Et dans les prières qu'elle affirme, elle vient souvent citer des poésies qui sont souvent aussi des revendications politiques qui pourraient paraître n'avoir rien à voir avec ce bain qui d'habitude est pour soigner quelqu'un. Et par exemple, une des prières politiques qu'elle déclame lors de ses performances, donc que j'ai traduite en français, elle dit « Pour la fin de la police militaire du Brésil, pour en finir avec la nécropolitique, pour en finir avec la culture de violence et de peur, pour la jeunesse noire et l'accès, pour la joie, éros, éthos. » Donc en fait, voilà, elle vient affirmer en pratique cette volonté politique de changer au travers de l'action et de la magie, en fait. Entretien avec Raisa Inocencio Ferreira Lima. La performance que je propose est une lutte contre l'épistémicide, concept de Boaventura de Sousa Santos et Sueli Carneiro, qui associe les mots épistémologie et génocide pour définir la destruction des connaissances non validées ou rendues inexistantes par les critères de sciences modernes. Donc c'est une lutte contre l'épistémicide et la nécropolitique, concept de Achille Mbembe, qui décrit le mode de vie politique basé sur la mort dans les cultures colonisées. J'ai travaillé à partir de recherches sur les traditions des femmes métissées situées entre les cultures catholiques, afro et autochtones de la région de Ceará, la province où je suis née et où j'ai grandi au Brésil. Je m'inspire tout particulièrement des rezadeiras, les femmes en prière au bain. Ces femmes en prière font un rituel de guérison et de protection qui consiste à prendre des bains avec des plantes natives en offrant une parole aux nouveau-nés et aux adultes. Les premiers bénéficient ainsi d'une protection à la naissance qui les incite à la réussite dès les premiers mois. Les seconds sont préservés du mauvais regard, ce qui les protège de problèmes tels que le mal de ventre ou le manque de fertilité. Lorsqu'une personne est malade, les rezadeiras réalisent un quebranto, autrement dit, elles cassent la maladie avec un bain, une bénédiction et des paroles de guérison. Il me semble important de rappeler que ces traditions, longtemps interdites, sont aujourd'hui confondues, syncrétisées dans le cas du Brésil, avec des rites de la culture occidentale. À l'origine de cette superposition de pratiques, il y a la dissimulation de rituels afro et autochtones dans des pratiques chrétiennes. Plus que la volonté de faire une synthèse des cultures, cette syncrétisation a permis de perpétuer des pratiques réprimées par les colonisateurs. Des pratiques entrecroisées ont alors émergé, comme dans le cas de la médecine ou à la science médicale occidentale, se sont mêlées à des pratiques médicinales métissées. Des femmes comme Starhawk, Mona Chollet et Emily H., entre autres, convergent dans une démarche écoféministe qui tente de se ressaisir de la sorcellerie comme une activité de protection pas seulement individuelle mais aussi collective. Je tiens à préciser ici qu'il ne s'agit pas de réessentialiser le féminin, mais de retrouver une autonomie et un pouvoir d'agir qui jusqu'à ce jour ne nous sont pas accordés comme des droits. Littéralement, l'empowerment, gagner en puissance d'agir, s'acquiert par la prise d'autonomie sur notre corps et sur les choix qui en relèvent, par l'acte de façonner nous-mêmes notre propre sujet. Pour reprendre la pensée de Starhawk, la magie relève de la manière de penser la réalité, d'une prise de conscience, et le sacré de la puissance d'agir. Avec la performance des bains, je cherche à former un regard sensible, esthétique, politique et social, à l'égard d'une tradition qui respecte son environnement. Décoloniser, c'est aussi donner la voix à ce type de pratique, comme c'est le cas en Europe avec les sorcières néopaganes. Pour ma part, par le biais d'une performance politico-esthétique, je décolonise mon corps et l'image du corps féminin colonisé et racialisé pour créer de nouvelles épistémologies esthétiques. Pour cela, je mène une action directe dans laquelle je montre mon corps en action et je prie dans le même temps pour une construction politique du corps féminin. Cette performance que je réalise depuis 2010 consiste à mélanger le profane et le politique avec l'énergie de la sorcellerie brésilienne. Au travers de cette pratique, c'est le pouvoir féminin qui s'exprime dans son ensemble, un pouvoir qui s'inscrit ici entre le sensible et la rationalité politique, entre la vie intime quotidienne, puisque prendre sa douche en fait partie, et les relations établies entre le psychosocial et l'imaginaire traditionnel. En conférant à cette performance une visée politique et esthétique, je donne à mon corps l'opportunité d'être décolonisé. En effet, la création d'une nouvelle épistémologie et d'une nouvelle esthétique incarnée permet d'évacuer l'image d'un corps féminin colonisé et racialisé. Ainsi, par la prière, je montre mon corps en action pour reconstruire le rapport au corps à partir de la sorcellerie brésilienne. Je cherche aussi à déployer la cosmogonie, Yoruba, et notamment les récits de Iemanjá, la déesse de la mer et de la beauté, qui dans certains récits peut également soigner la santé mentale, et Oxum, la déesse de l'amour et de la sensualité. Les déesses interviennent dans la construction individuelle et subjective, mais aussi collective et objective, pour préserver une mémoire et une matrice civilisationnelle non occidentale. Je considère donc que la performance des bains relève d'une pensée activiste et écoféministe, sans pour autant se réduire à ce champ, puisque l'idée de la performance est de mettre en pratique mes recherches et questionnements philosophiques sur l'acte de se baigner. Le bain devient l'instrument par lequel le corps, face aux matrices de la loi coloniale, de la loi patriarcale et de la loi capitaliste, peut se protéger et se soigner. La performance étant in fine un rituel afro-autochtone féminin, elle prend part à un processus décolonial écoféministe qui par son existence même participe à l'écologie politique et culturelle des rituels féminins issus de la culture afro-brésilienne. Dans le cadre de mon travail, le rituel s'affirme contre la culture de la violence et de la peur, et tout particulièrement contre la culture du viol. Je termine par une poésie qui est aussi une prière politique que je déclame lors de la performance. Pour la fin de la police militaire du Brésil, pour en finir avec la nécropolitique, pour en finir avec la culture de violence et de peur, pour la jeunesse noire et l'accès, pour la joie, Eros, Ethos. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter pour terminer, que tu n'aurais pas dit dans ton rapport à ce livre ou... Peut-être juste citer ici au micro notre discussion qu'on a eue tout à l'heure au sujet de la linguistique et de tout ce qui se retrouve dans le fait de passer d'une langue à une autre. Et je crois que c'était aussi quelque chose très intéressant dans le fait de traduire des voix d'Amérique latine. Parce que on discutait toutes les deux aussi de par nos expériences en tant que francophones et françaises en ayant vécu dans des pays sud-américains, le fait que la langue française elle a une dimension profondément rationnelle et mentale, et que je sais pas si tu te retrouves dans ce commentaire là, mais moi je trouve que alors que c'est ma langue natale, je parle vraiment français avec la tête et espagnol avec le cœur, et qu'il y a des idées et des notions qui sont beaucoup plus faciles à exprimer en espagnol. Et par rapport à ce recueil de textes, par exemple, au moment de la traduction, je me suis vraiment retrouvée parfois en conflit avec comment je peux transposer ce texte en étant le plus fidèle possible, tout en sachant que la traduction de fait est toujours une certaine forme de trahison, puisque en passant d'une langue à une autre, il y a forcément certaines dimensions qui se perdent. Mais par exemple, j'aimerais citer un terme qui a été utilisé par une des femmes que j'ai beaucoup lu, qui parle de corazonar con la tierra, par exemple, qui vient du mot corazon, qui veut dire le cœur. En l'écrivant corazonar, elle en fait un verbe, querer, faire cœur avec la terre. Et voilà, il y a aucun terme qui peut à ce point-là pour moi exprimer en espagnol. Donc c'est une dimension dont j'aimerais beaucoup parler ici, parce que je pense que ça fait aussi beaucoup lien avec toute la partie sur la spiritualité, où y compris au sein du féminisme, on a en France toute une histoire du féminisme constructiviste. On ne naît pas femme, on le devient, donc avec toute une déconstruction aussi de tout ce qui a pu être essentialisé chez la femme, etc. Et qui a du coup aussi beaucoup freiné un certain développement de pouvoir mettre de la valeur et de la magie, en particulier dans tout ce qui est lié aux attributs biologiques du sexe féminin, qui a été aussi beaucoup questionné par les luttes, queer aussi, et qui a pu aussi parfois amener à certaines déviances problématiques, mais qui pour moi est essentiel de remettre en avant aussi, parce que c'est toute une part de ce qui a été mis de côté et qui a une certaine force et une certaine beauté, et qu'en fait on peut étendre bien au-delà du corps biologique lié au sexe féminin, qui est dans le fait de pouvoir remettre de la valeur à son corps, se réapproprier un certain pouvoir sur son corps au travers des plantes, se reconsidérer comme part de la nature, et donc à partir de là se voir comme territoire premier d'action, et voir toute la magie qu'il y a dans ce corps et dans ce qui nous entoure, etc. Donc voilà, je crois que faire ce lien linguistique, il est assez intéressant aussi. Super, merci beaucoup. Appel à la sœur de la même autrice, Rosa Silverio. Femme, je ne suis pas ton ennemie. Je me souviens de ce que l'on a semé ensemble et qu'ensemble nous avons récolté les épis de blé et écossé les gousses. Ensemble nous avons gravi de hautes montagnes et nous sommes tombés pour pouvoir nous relever. Lorsque tu chantes, mon cœur bat plus fort. Lorsque tu aimes, mon amour gonfle telle une cellule qui s'étend. Femme, je suis la chair de ta chair. Nous avons toutes les deux reçu la même couronne d'épines. Nous avons toutes les deux été asservies par des talons aiguilles et les mensurations 90, 60, 90. Nous avons toutes deux été frappées par la violence d'un homme. Nous avons toutes les deux été mangées par des vautours. Femme, regarde-moi dans les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Ne vois-tu pas que je suis aussi la fille de tes ancêtres? Ne te souviens-tu pas que nos grands-mères ont souffert ensemble, ont combattu ensemble, qu'elles ont dansé ensemble? Ne vois-tu pas que je suis ta sœur, que mes mains et les tiennes portent les mêmes blessures, que je ne suis pas ici pour te dégainer mon épée, mais pour t'aider à pétrir le pain, à cueillir les fruits, à avancer? Femme, écoute mon appel. Ne laisse pas les chiens te dérober. Ne les laisse pas te maintenir dans l'ombre. Ne les laisse pas t'éloigner du troupeau. Femme, je suis ta maison. Entre, en avant. Soin de votre corps,